Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Depuis une quarantaine d'années, les Animal Studies, les études animales, nous aident à comprendre la place qu'occupent les animaux dans nos sociétés. Elle est essentielle. Oui, aujourd'hui dans le cours de l'histoire, ce que les animaux disent de nous. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les animaux sont partout, du plus petit au plus gros, du minuscule ciron, genre d'acarien, longtemps considéré comme le plus petit être vivant, à l'impressionnante baleine. Dans le cours de l'histoire, nous nous sommes intéressés au panthéon de Pharaon, quand l'Égypte antique avait des animaux comme moyen d'accéder à la divinité. Il faut dire qu'alors, le long du Nil, et même dans le Nil, les Égyptiens côtoyaient sans cesse des bestioles sublimes. Nous avons aussi parlé du bestiaire médiéval, une vraie ménagerie où l'on peut croiser des licornes, car, il faut le rappeler, les licornes existent. Et puis, nous avons aussi parlé de la prise de conscience de la nécessaire protection animale, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, quand les gens vivaient proches des animaux, à la ferme bien sûr, mais aussi dans les villes, avec des chevaux, des cochons et des vaches à foison. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast, c'est la balado-diffusion. Mais qu'en est-il aujourd'hui de notre relation à l'animal? Dans nos grandes villes, il est possible de passer une journée entière sans croiser un animal, sinon un pigeon ou une punaise de lit, que la classification a placé parmi les nuisibles. Jamais nos ancêtres n'auraient cru cela possible. Au début du 21e siècle, les seuls animaux que croisent certains humains sont tout simplement d'autres humains. Dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à la relation belle, intime, longue qu'entretiennent les humains avec les animaux. Et aujourd'hui, nous allons parler des animal studies, les études sur les animaux, parce que de la domestication à l'élevage, de la maltraitance à la protection animale, oui, les animaux ont une histoire et surtout, cette histoire parle de nous. Avec nous aujourd'hui, Joséphine Le Sur, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue, vous êtes maîtresse de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous avez participé à de nombreux projets de fouilles, principalement en Afrique. Et puis vous avez publié un ouvrage, j'aime beaucoup le titre, il est très très beau, « Et la gazelle devint chèvre ». Il y a tout un programme dans ce titre-là, sous-titré « Préhistoire africaine d'hommes et d'animaux ». Joséphine Le Sur, cette évidence de la relation à l'animal qui vous conduit à chercher des traces, alors là nous sommes à la préhistoire, c'est que les traces animales nous parlent de nous, bien souvent il ne reste pas grand chose, vous travaillez en plus sur l'Afrique, et sur cette Afrique-là nous avons une relation à l'animal très forte, quand la gazelle devint chèvre. Est-ce que c'est en Afrique qu'est née la domestication? Non. Eh bien voilà, moi c'est ce qui m'a plu dans votre ouvrage, c'est ce nom. Parce que l'Afrique, là où est né l'homme, n'est pas le continent qui porte la domestication. Où est née la domestication? Alors la domestication, c'est ça qui est passionnant, c'est que en fait elle est née de façon complètement indépendante et à des périodes très différentes, quasiment sur tous les continents du monde. Donc à un moment dans leur histoire, dans leur évolution de culture, les sociétés ont eu intérêt, on va dire, se sont dit qu'ils allaient contrôler plus les animaux, intensifier leur relation à l'animal, notamment par le biais de la domestication, que ce soit pour l'élevage ou pour des animaux qui vont être d'accompagnement, on va dire. Avec une datation que l'on peut estimer sur cette domestication ? Les premières attestations que l'on a sont au Proche-Orient, au 9e millénaire avant notre ère, où on va domestiquer d'abord des animaux, on va dire, d'embouche, donc qui vont produire de la viande notamment, et aussi d'autres produits, et qui sont notamment les bovins, le bœuf, moutons, chèvres et le porc. Et ensuite, très rapidement, dès le 8e millénaire, on a la domestication du porc aussi en Chine. Dès le 6e millénaire, on va avoir le lama, l'alpaga en Amérique. Donc voilà, chaque continent va domestiquer. Donc en Afrique, il y a eu aussi un peu de domestication, mais plus tardive, comme l'âne, comme la pintade. Voilà. C'est un sujet magnifique, hein, cette histoire de la domestication de l'animal, et la gazelle devint chèvre. Et c'est vrai que nous sentons qu'il faut poser toutes les bases pour étudier ce que nous voulons faire aujourd'hui dans le cours de l'histoire, la relation des humains à l'animal, mais sur un temps très long, et pour développer ces animal studies, avec nous également Émilie Dardenne, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en anglais à l'université Rennes 2, et vous publiez « Introduction aux études animales », c'est aux presses universitaires de France. J'évoquais pour commencer l'émission le fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous nous levons, nous marchons dans la rue, nous prenons le métropolitain, nous arrivons au travail et puis chemin inverse au retour. Il est possible de ne pas croiser d'animal. C'est une vraie révolution au sens où c'est quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Effectivement, et c'est un des thèmes qu'étudient les études animales. On peut citer ici le travail d'un historien américain qui s'appelle Richard Bolliott et qui estime que nous sommes dans une époque post-domestique. Donc, d'après lui, il y aurait 4 étapes dans les relations anthropozoologiques, c'est-à-dire les relations entre les humains et les autres animaux. Une étape de séparation où les êtres humains s'extraient du monde animal. Une étape de prédomesticité, où c'est plutôt une relation d'humilité, de respect envers le monde animal. Ensuite, l'étape de la domesticité, où le contrôle est grandissant, c'est l'étape de la domestication, de l'intensification, etc. Et puis une étape post-domestique où effectivement les animaux disparaissent. Alors on parle des sociétés occidentales contemporaines, je ne parle pas de toutes les sociétés bien sûr, parce que dans différentes cultures les choses se passent différemment, mais aujourd'hui pour les urbains et les urbaines des pays occidentaux, effectivement le contact avec l'animal, avec les animaux, parce qu'il faut justement peut-être veiller, comme nous disait Jacques Derrida, à ne pas utiliser un singulier qui serait réducteur, mais à utiliser le pluriel les animaux, parce qu'il y a une extrême diversité d'espèces, de groupes, etc., et de relations. Voilà, donc pour la société post-domestique a des nouvelles caractéristiques dans sa relation avec les animaux, et notamment une moindre connaissance des individus. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, effectivement, hein, fait de connaître un animal. Soyons honnêtes, quand nous nous baladons dans les campagnes et nous entendons le chant des oiseaux, il est beaucoup plus difficile d'identifier l'oiseau que pouvaient le faire nos ancêtres. Hein. Ça a changé radicalement. Émilie Dardenne, vous évoquiez Jacques Derrida. Je vous propose justement de l'écouter. Jacques Derrida, qui évoquait l'importance de ne pas mettre tous les animaux dans la même catégorie. C'est dans un documentaire qui date de 2002 de Kirby Dick et Demi Siegfried Kaufmann. Il n'y a pas de raison qu'on mette sur la même catégorie de l'animal le singe, l'abeille, le serpent, le chien, le cheval, anthropoïdes ou des microbes. Hein. Ce sont des types d'organisation de la vie radicalement différents. Et déjà, le geste qui consiste à dire l'animal et de ranger dans cette catégorie aussi bien le chimpanzé que la fourmi est un geste de répression violente, d'enfermement violent de la part de l'homme. Hein. Tous ces vivants ne sont pas des hommes, donc on les met dans la même catégorie. C'est un geste stupide d'abord, théoriquement ridicule, et puis c'est un geste qui fait partie de la violence humaine en général à l'égard des animaux, hein, qui conduit aux abattoirs, aux traitements industriels de la viande à consommer, toutes les violences contre l'animal sont en germe dans cette simplification conceptuelle qui consiste à dire l'animal en général. Donc quand je fais attention à mon langage, je ne parle jamais de l'animal. Je dis les animaux. Eh bien, Jacques Derrida nous met en garde. Émilie Dardenne, vous nous l'avez rappelé et c'est très bien, nous allons faire attention. Il faut dire les animaux et comme on ne dit pas la femme, etc., etc., avec toute une réflexion autour du moment de prise de parole de Jacques Derrida. La prise de conscience est quelque chose qui est datable. Cette réflexion, cette nécessité d'étudier la relation de l'homme à l'animal est quelque chose qui a une quarantaine d'années. Ça date des années 1970, Émilie Dardenne. Alors oui, ça commence avec un regain de l'éthique animale. L'éthique animale est très ancienne, hein, elle date de l'Antiquité, mais il y a un regain dans les années 70 autour de quelques travaux fondateurs comme celui de deux philosophes anglophones, Peter Singer et son ouvrage La libération animale, et puis Tom Regan qui a écrit Les droits des animaux. Et ce renouveau de l'éthique animale qui part en fait du constat de l'intensification de la domestication et de l'élevage dans les années 60-70, ce regain de l'éthique animale, il va infuser ensuite dans les sciences humaines et sociales Et il va permettre, il va ouvrir le regard sur une nouvelle façon d'entrer en relation avec les autres animaux. Et il va permettre aux chercheurs et aux chercheuses des sciences humaines et sociales de les approcher différemment, de désanthropiser certaines notions. Et d'essayer de se rapprocher du point de vue des animaux. C'est ça qu'on fait, c'est une des choses que font les études animales, c'est d'essayer de se rapprocher du point de vue animal, autant qu'on puisse le faire en tant qu'être humain. Exactement. Et puis avec cette difficulté toujours du positionnement du chercheur, de la chercheuse sur son objet d'étude, ce questionnement, ces études animales, vous nous le dites, Émilie Dardenne, se développe à partir des années 1970, en s'appuyant sur des travaux antérieurs, alors que pour vous, Joséphine Le Sur, vous êtes archéozoologue. L'intérêt porté par les archéologues sur les restes des animaux est quelque chose, alors là, qui naît avec l'archéologie. Trouver la trace ancienne, on a un intérêt sur l'animal. Mais malgré tout, l'évolution est évidente entre l'os de mammouth et puis un reste de musaraigne. Pendant longtemps, la musaraigne, elle a été un peu mise de côté, alors qu'elle est importante. Tout à fait. Bah, oui, il faut dire que le début d'études vraiment des animaux, il est né avec le début de la préhistoire, puisque le début d'études des fossiles. Donc, d'abord sur les temps très très anciens, et après qui va se rapprocher dans le temps et qui va se développer, on va dire, la première moitié du XXe siècle, sur les périodes plus récentes. Alors au début, oui, on étudiait d'abord les gros animaux, les gros restes, mais après, assez rapidement, s'est mis en place des techniques de tamisage pour récupérer les petits. On a commencé à voir l'intérêt de ces petits animaux. La différence, j'ai envie de dire, par rapport à ce que vous disiez sur les animal studies, comme vous venez de le définir, c'est que pendant longtemps, l'étude des animaux était faite par rapport, vraiment par rapport aux hommes, aux sociétés humaines. C'est-à-dire qu'on replaçait les restes animaux dans le cadre de la reconstruction des sociétés. Qu'est-ce qu'elles mangeaient? Dans quel environnement elles vivaient, au même titre que comment elles taillaient leurs outils, comment elles faisaient leur céramique, etc. Donc on n'étudiait pas les animaux pour les animaux, mais vraiment dans leur relation avec les sociétés humaines. Donc ça a pas mal changé. Et même maintenant en archéozoologie, on commence aussi à développer, on va dire, l'étude des animaux, des communautés animales aussi pour elles-mêmes, et comment... De façon indirecte, toujours un peu liée à l'homme, comment l'homme a pu avoir un impact sur l'environnement et donc forcément modifier ses communautés animales, mais aussi comment ces communautés animales se sont adaptées à l'homme. On peut parler par exemple du commensalisme, comment les phénomènes de commensalisme, c'est-à-dire une adaptation des animaux qui vont quelque part tirer un peu avantage des sociétés humaines. On peut parler de la souris qui s'est diffusée partout dans le monde en suivant l'homme, en suivant les silos, les graines, etc. Et donc on a beaucoup d'exemples comme ça où finalement ce n'est pas l'homme n'a pas cherché à tirer profit de ces animaux, mais les animaux ont changé, ont évolué en fonction de l'homme. Joséphine Le Sur, les premiers animaux domestiqués, lesquels? Alors les premiers animaux domestiqués, ben, donc c'est les bovins. Ah non, alors tout d'abord on peut parler du chien. Et ouais, voilà. Le chien. Évidemment. Le chien, actuellement, il y a beaucoup de débats encore d'un point de vue de la génétique, de la paléogénétique, la morphologie. On pense que les premiers signes, de façon assurée, sont vers 15 000 ans, 18-15 000 ans, en Eurasie. Donc on aurait plusieurs foyers, à la fois en Asie centrale et en Europe occidentale. Certains le feraient remonter jusqu'à 30 000 ans. Toujours est-il qu'en fait, dans ce qu'on appelle le paléolithique supérieur, les hommes vont développer des relations avec les loups. Donc ils vont devenir les chiens, particulières, privilégiées. Mais là où je ne l'ai pas tout de suite intégré dans votre question, c'est que ce n'est pas une relation pour la production de viande, de lait, etc. On est plus dans une intensification des relations entre l'homme et le loup qui va mener à cette codépendance ou cette dépendance du loup qui va devenir chien vis-à-vis de l'homme. Et il y avait certainement une relation mutualiste, un apport, une aide entre ces deux espèces qui pouvaient s'entraider pour la chasse, notamment pour la protection des campements, etc. Donc on parle plus là d'interaction qui est doublement positive. C'est très intéressant ce que vous nous dites, parce que nous voyons bien qu'avec le chien ou le chat, c'est à peu près les mêmes phénomènes pour le chat, nous n'avons pas du tout la même domestication que pour les bovins, pour les cochons. Dites-nous, Joséphine Le Sur, comment vous, en tant qu'archéologue, archéozoologue, vous voyez des traces de domestication? Qu'est-ce qui montre que ces restes-là sont ceux d'un animal domestiqué? Alors, on a plusieurs plusieurs critères. Le plus facile, j'ai envie de dire, c'est la zone de répartition. C'est-à-dire que quand vous avez une espèce sauvage, on sait que, par exemple, le roc était présent en Asie, dans le nord de l'Afrique et en Europe. Si, par exemple, je vais trouver du bœuf, enfin un bovin, dans le sud de l'Afrique, je sais forcément qu'il est domestique puisqu'il n'y a pas l'ancêtre sauvage. Puisque morphologiquement, nous, on travaille à partir des os et des dents, et morphologiquement, l'espèce sauvage et domestique, c'est la même espèce. Donc, c'est très difficile, effectivement, de les différencier. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, et là, on ne sait pas encore exactement pourquoi, on pense que c'est un effet de la domestication, du contrôle, du parquage, de la nourriture, du contrôle de la reproduction. Mais la plupart des animaux domestiques, enfin, des animaux qui sont domestiqués, vont réduire de taille, vont devenir plus petits. Dans un premier temps, en tout cas, jusqu'après l'amélioration de l'élevage qui va les faire regrossir, mais regrandir. Mais donc dans un premier temps. Donc quand on va dire mesurer les restes osseux, on va pouvoir voir que ils sont plus petits et ils sont hors de l'étendue de l'espèce sauvage. Ils sont vraiment plus petits. Donc là, on peut dire bon, effectivement, il est domestique. Et troisième point, si je peux dire, c'est on va travailler sur l'âge d'abattage des animaux. On peut reconstituer à partir des dents, les dents de lait, les dents définitives, l'usure des dents, l'âge à laquelle les animaux ont été tués. Et quand on élève les animaux, on va avoir une production très ciblée. Et même dès le début de l'élevage. Donc on va, par exemple, si on veut faire de la viande, on va attendre que les animaux aient atteint leur maximum pondéral pour les tuer. Si on veut faire du lait, on va tuer tous les petits mâles dès le début pour récupérer le lait. Et on va plutôt tuer les vieilles femelles qui ne produisent plus. Donc on va avoir des courbes d'abattage, ce qu'on appelle des façons, des âges d'abattage des animaux, qui vont être typiques vraiment d'un contrôle total et d'une production spécifique. Ce qu'on peut pas avoir, évidemment, avec la chasse. Et voilà. Donc ça, c'est différents éléments qui peuvent nous montrer. Et puis, depuis récemment, on a aussi la paléogénétique, par exemple, qui va nous aider aussi à différencier des lignées et des variétés différentes. Joséphine Le Sieur, vous mobilisez plein de disciplines, ce qui est formidable, pour essayer de comprendre l'histoire de la domestication. Et pour étendre cette histoire des études animales, nous voyons bien qu'il y a sans cesse des disciplines mobilisées. Alors, bien sûr, de l'anatomie, de l'archéologie, et puis il va y avoir des textes, vous avez évoqué l'amélioration des races animales, alors plus tardivement, mais c'est la gloire du 19e siècle de faire les vaches les plus grosses possibles. C'est quelque chose qui est une évidence sans cesse, Émilie Dardenne, de croiser les chemins disciplinaires dans ces études animales. Oui, les études animales, c'est pas une discipline, c'est un champ de recherche et d'enseignement qui est éminemment interdisciplinaire et même transdisciplinaire. Non seulement il y a plusieurs disciplines, mais elles se croisent, elles se décloisonnent, elles se traversent. Peut-être que je peux donner un exemple avec le travail d'un historien que vous avez reçu hier, c'est Éric Baraté. Éric Baraté, dans ses biographies animales, le point de vue de l'animal en histoire, il croise l'éthologie et la sociologie contemporaine avec un travail à partir d'archives et il met au jour des histoires d'individus animaux. Les études animales permettent ça, elles font quelque chose à la discipline historique, elles permettent l'ouverture d'un niveau d'observation nouveau qui est le niveau individuel et c'est ce que fait Éric Baraté dans ses biographies animales. Par exemple, il raconte l'histoire d'un célèbre taureau, le taureau Islero, qui a combattu le torero Manolete en 1947. Et en se plaçant du point de vue du taureau, donc en croisant l'éthologie et le travail historique, il nous raconte que si cette corrida s'est passée de cette façon-là, il a encorné le torero mortellement, c'est parce que c'était pas n'importe quel taureau, c'était ce taureau-là qui avait des caractéristiques particulières, qui était un individu particulier, notamment c'était un petit taureau et il était presbyte. Et le fait qu'il soit presbyte le faisait se comporter différemment. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire en Animal Studies. On peut citer un autre exemple où la philosophie croise le droit. C'est le travail, par exemple, de la philosophe française Florence Burga, qui avance en même temps sur les deux terrains. Donc oui, c'est un champ de recherche, c'est un champ de discipline, non pas disciplinaire, mais justement très interdisciplinaire. Eh bien, justement, il n'y a pas que les historiens, les philosophes qui font parler les animaux. Il y a évidemment les écrivains. Je vous propose d'écouter Jean-Louis Trintignant, qu'il y a un extrait du Petit Prince, mais oui, le Petit Prince de Saint-Exupéry. Bonjour, qui es-tu ? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon. Qu'est-ce que signifie apprivoisé? Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu? Je cherche les hommes. Qu'est-ce que signifie apprivoisé? Les hommes, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Jean-Louis Trintignant qui lit un extrait du Petit Prince de Saint-Exupéry, La rencontre avec le renard. Joséphine Le Sur, je me tourne vers vous, mais que signifie apprivoiser? C'est compliqué. C'est compliqué. Comme notion. Je pense que c'est une notion qui veut dire, enfin, apprivoiser, c'est développer une relation particulière à l'animal, sans forcément chercher à en tirer un produit, direct, comme de la viande, du lait. En revanche, en développant une relation particulière, vous parliez du chat tout à l'heure. L'apprivoisement du chat est aussi l'histoire. Enfin, ce qu'on peut en reconstituer actuellement de l'apprivoisement du chat est intéressant. Si je l'explique en deux mots, enfin, en tout cas, ce qu'on en sait actuellement, c'est que au 9e millénaire, dès le 10e millénaire, on a des communautés humaines qui ont été s'installer à Chypre. Par bateau, donc ils se sont installés à Chypre. Quelques siècles plus tard, au 9e millénaire, qui ont apporté des céréales pour cultiver. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont même apporté des animaux sauvages, du daim, du sanglier, pour avoir, on va dire, un garde-manger sur pattes vivant. Et elles ont très vite apporté également des renards et des chats pour combattre les souris qui étaient en train de manger leur stock de céréales. Et en fait, petit à petit, donc ils ont apporté ces animaux complètement sauvages. Et en fait, petit à petit, une relation particulière va se développer, notamment avec le chat, qui va profiter, lui, de ces rongeurs qui sont amenés, enfin, qui sont dans les villages. Et l'homme, évidemment, va profiter également du chat pour combattre ces rongeurs. Et en fait, dès le 8e millénaire, on a retrouvé une tombe où un homme et un chat sont enterrés ensemble. Donc, qui montre, voilà, déjà cette relation particulière qui va se développer avec cet animal. Et on a des exemples quasiment identiques mais indépendants en Chine, on en a en Égypte aussi. Et donc cet apprivoisement, il s'est fait en fait de façon, voilà, ce que je disais tout à l'heure, mutualiste. Chacun a un intérêt à être avec l'autre. Et progressivement, la relation va s'intensifier. Mais elle n'est pas forcément basée, on va dire, que sur la domination. Elle est plus sur la mutualité. Voilà, le petit prince aurait été ravi de votre réponse, Joséphine Le Sur. Que signifie apprivoiser? Domestiquer, ce n'est pas exactement la même chose encore. En fait, il y a toujours cette idée, avec la domestication, de profit, de récupérer quelque chose, alors que ce soit de la viande directement, ou alors de manière secondaire, de la laine ou des œufs. Mais la domestication, il y a voilà cette idée de récupérer. Il y a un contrôle qui va être souvent plus fort, effectivement. Et dès le départ, oui, on va chercher à contrôler l'espace des animaux en les parquant, on va contrôler leur nourriture, on va contrôler leur reproduction, évidemment. Donc on peut dire aussi que pour les chiens, il y a eu la domestication, puisqu'à force de les croiser, on a contrôlé très fortement aussi leur domestication pour en faire la variété de races qu'on connaît actuellement. Mais effectivement, pour les animaux d'embouche notamment, on a un contrôle qui est beaucoup plus fort. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on les a domestiqués pour la viande, mais aussi, et très rapidement, pour le lait, pour les produits secondaires, en fait, finalement, qu'on ne pouvait pas récupérer par la chasse. Parce que la viande, en chassant, on en avait toujours. En revanche, le lait, l'utilisation de la fumure pour les champs, l'utilisation des animaux pour le transport, pour le labour, ça c'est des produits en fait qui vont, enfin c'est des services ou des produits qui vont être très vite exploités et qui ne pouvaient pas être récupérés par la chasse. Voilà, c'est ça qui nous intéresse aussi dans cette étude des animaux, dans les animal studies comme on dit en anglais, les études animales, c'est que toutes les disciplines se croisent, et notamment à l'intérieur même d'une discipline, prenons l'histoire, il y a là de l'histoire culturelle comme une évidence, hein, nous parlons des chiens, des chats, de l'histoire économique aussi, Émilie Dardenne, l'histoire de la relation des êtres humains et des animaux, c'est une histoire d'économie. Et oui, et alors là, si on peut faire un saut historique et se rapprocher un petit peu plus de nous en passant par le 18e et le 19e, parce que là, il s'est passé quelque chose autour de la domestication et de l'élevage. C'est une période d'accélération et d'intensification de l'élevage, le 18e, 19e. Si on regarde, par exemple, la consommation de viande, de chair des animaux, début du 19e, c'est 19 kilos par an et par personne. On passe à 40 kilos à la fin du 19e. Au milieu du 20e, la consommation de viande devient bicotidienne, on passe à 60 et on arrive à 98 kilos à la fin du 20e siècle. Donc là, on voit une accélération, une intensification, le terme a été utilisé déjà plusieurs fois, l'intensification de l'élevage. Et ce qui nous intéresse aussi dans les Animal Studies, c'est qu'est-ce que ça fait aux animaux, l'intensification de l'élevage. Ça les concentre. L'élevage intensif, c'est la concentration des animaux dans des espaces, c'est le confinement des animaux dans des espaces. C'est aussi la notion de rentabilité. Si je peux me permettre, je voulais lire la définition de la zootechnique telle qu'elle a été donnée en 1862 par le titulaire de la première chaire de zootechnie. Allez-y, Émilie Dardenne. C'est Émile Baudemont. Donc, pour la zootechnie, les animaux domestiques sont des machines, non pas dans l'acception figurée du mot, mais dans son acception la plus rigoureuse, telle que l'admettent la mécanique et l'industrie. Ce sont des machines au même titre que les locomotives de nos chemins de fer. Les appareils de nos usines où l'on distille, où l'on fabrique du sucre, de la fécule, où l'on tisse, où l'on moue, où l'on transforme une matière quelconque. Ce sont des machines donnant des services et des produits. Ces machines animales sont construites selon un certain plan. Elles sont composées d'éléments déterminés, d'organes, comme le disent ensemble l'anatomie et la mécanique. Donc on est en 1862, on est 3 ans après la publication de l'Origine des espèces. Et on voit là quelque chose qui parcourt l'ensemble des relations humains-animaux. C'est le paradoxe entre, d'une part, une sensibilisation au sort des animaux et d'autre part, l'intensification de la fonction utilitaire des animaux, qui aujourd'hui atteint un niveau inégalé. Joséphine. Oui, je voulais rebondir là-dessus. Ce qui va tout à fait dans votre sens, c'est que à la fin du 19e, justement, quand on a des explorateurs qui vont en Afrique, ethnologues ou première personne qui vont en Afrique, notamment dans les sociétés pastorales d'Afrique de l'Est, ils ne comprennent pas du tout les méthodes d'élevage là-bas. Ils parlent de fétichisme animal, de boulatterie, parce que pour eux, les sociétés qu'ils rencontrent ont une technique d'élevage complètement aberrante, parce qu'ils ne se préoccupent pas de la rentabilité, ils se préoccupent de la forme des cornes, de la couleur des robes, et c'est ça qui est le plus important pour ces sociétés pastorales, notamment au Soudan, en Éthiopie, etc. Et donc pour les Européens qui débarquent, qui trouvent ça complètement aberrant et ridicule, puisqu'ils ne travaillent pas sur la productivité, la rentabilité des animaux. Donc c'est un autre exemple aussi pour dire qu'on peut avoir d'autres relations avec les animaux, mais que pour l'Occident, c'était aberrant. C'est pour ça que la conversation est intéressante entre vous, Émilie Dardenne, qui étudiez les études animales, et puis vous, Joséphine Le Sur, qui êtes spécialiste de la domestication des animaux et principalement en Afrique, parce que ce que vous nous dites fait écho à notre présent, et même si les deux champs de recherche pourraient être éloignés, non, en vérité, ils sont producteurs d'un très beau dialogue. C'est ce qui nous plaît aujourd'hui dans le cours de l'histoire. France Culture. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Avec toute une réflexion autour de la place à accorder au point de vue animal. Étudier les animaux en tant que tels, et non pas seulement les animaux dans les relations à l'homme. Regarder l'ensemble de ces relations possibles. La place à l'animal, où va-t-on la trouver? Ben, on va la trouver parfois dans la fiction, évidemment. Et je vous propose là d'écouter un extrait. Alors, d'un chef-d'œuvre générationnel, disons-le, mais maintenant presque patrimonial, c'est le film Babe, le cochon Babe. C'est un film de Chris Nolan sorti en 1995. Comment va ma petite fille adorée? Regarde ce qu'elle a, ta grand-mère. Hein? Tiens, je te le donne. Et devinez ce qu'on aura pour le repas de Noël? Un bon rôti de porc. J'aime pas ça. Tout ce tralala des bêtises, tout ça. La chatte dit qu'ils appellent ça Noël. Ouais. Noël, je t'en ficherai. Le repas de Noël, burque. Repas égale mort. Mort égale animaux zigouillés. Le repas de Noël, c'est un vrai carnage. Un massacre. Attends-moi. Tuer les cochons et les manger. Des barbares. Le grand repas de Noël approchait. Pour le cochon, les heures étaient comptées. Le film de Chris Nolan, Babe, Babe, le cochon. Émilie Dardenne, cette voix des animaux nous amuse parce que nous sommes dans la fiction. Et c'est vrai que c'est un procédé narratif assez efficace de donner la parole aux animaux qui n'est pas récent. Enfin, nous pouvons aller voir La Fontaine et puis donc aller voir l'Antiquité. Voix des animaux, en fait, n'est pas trouvable. Nous ne pouvons pas la connaître par définition. Comment se construit dans les études animales la réflexion sur le point de vue animal, sachant qu'elle est toujours produite par le dominant, c'est-à-dire nous-mêmes? Alors, il n'y a pas que l'étude du point de vue des animaux dans les études animales. C'est vrai. Il y a aussi, enfin... on essaye de s'en approcher, mais on est bien conscient qu'on ne peut pas le toucher. C'est ce qu'écrivait le philosophe Thomas Nagel dans les années 70 en disant, il a écrit un article célèbre en philosophie qui s'appelle « What it is like to be a bat ?» Qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris ? Nous, on ne pourra jamais savoir ce que ça fait d'être une chauve-souris. On ne peut pas savoir ce que ça fait de voler, d'être pendu la tête en bas, d'avoir un système d'écholocation pour se déplacer. Mais ce qu'on peut faire, c'est essayer de s'en approcher. Et puis même du point de vue simplement humain, c'est ce que lui répond une autre philosophe, Mary Midgley, qui lui dit mais de toute façon, même entre humains, on ne peut jamais vraiment savoir ce qui se passe dans la tête et dans le corps exactement d'un autre humain. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de s'en approcher. Et c'est ce que font les études animales. On essaie de s'approcher à différents degrés, soit du point de vue des animaux, ou soit d'essayer de regarder comment nous-mêmes nous fonctionnons en relation avec eux. Donc les études animales, elles étudient aussi les systèmes qui fondent les relations anthropozoologiques. L'anthropocentrisme, c'est un des exemples les plus frappants. L'homme au centre de tout. Voilà, l'être humain au centre de tout. Ce qui est intéressant dans l'exemple que vous avez donné avec Babe, c'est il y a un topos en littérature, en études animales littéraires, c'est le topos de la visite à l'abattoir, qui s'est enrichi ces dernières années d'œuvres littéraires qui portent sur l'élevage, et notamment sur l'élevage intensif. Et ça, c'est le travail d'une collègue chercheuse en littérature qui s'appelle Anne Simon, et qui explique que la multiplication des œuvres littéraires, elle témoigne aussi d'une évolution historique du témoignage fictionnel. C'est-à-dire que, avec un exemple comme celui de The Jungle, Upton Sinclair, début du XXe siècle, les abattoirs américains. Et aujourd'hui, Règne animal, l'ouvrage le roman de Jean-Baptiste Delameau. On considère maintenant les animaux comme des victimes à part entière. On considère plus seulement l'abattoir comme un lieu difficile pour les salariés, mais aussi un lieu où les animaux sont rendus passifs. Oui, c'est intéressant ce que vous dites là, parce que l'étude sur les abattoirs de Chicago, il y a près d'un siècle, avait pour questionnement ceux qui travaillaient dans ces abattoirs. Et aujourd'hui, nous le voyons bien dans l'actualité, la question se pose sur les animaux eux-mêmes. Donc une véritable évolution. Mais pour rebondir sur cette fiction qui passe par les animaux, et notamment par l'esthétique, je me tourne vers vous, Joséphine Le Sur, dans votre ouvrage « Et la gazelle devint chèvre ». Il y a ce qui est une source essentielle aussi dans l'archéologie, ce sont les peintures rupestres, et il y a des photographies dans cet ouvrage exceptionnellement touchantes d'esthétique, elles nous parlent directement. Là, c'est un abri au Somaliland, cliché de l'auteur, j'aime bien, vous avez voyagé, vous y étiez, vous les avez vus. Cela nous montre aussi que la connaissance de l'animal était très forte par ces êtres humains de la préhistoire. Ils les connaissaient par cœur, ces bêtes-là. Oui, il les connaissait très bien. Et vous parlez de l'art rupestre. Il y a l'exemple du Somaliland où il y a pas mal d'art rupestre en Afrique de l'Est. Mais je veux dire, au Sahara, on a des sites, des centaines, des milliers de sites absolument extraordinaires où on a énormément de bovins qui sont représentés. Et il y a une étude il y a quelque temps qui a été faite par Bernard Dupuis, j'ai oublié son second auteur, je m'en excuse, qui en fait comparait les robes des vaches représentées ou des bœufs représentés avec l'existence actuelle de races. Et en fait, ils voyaient que les trois quarts des représentations étaient tout à fait naturalistes. C'est-à-dire que ça correspond vraiment, la disposition, la couleur, etc., à des races qui existent actuellement dans les vaches, enfin chez les bovins. Et donc, ils avaient vraiment une bonne connaissance. Mais dans la plupart des représentations d'art rupestre d'animaux, on a des détails qui nous permettent parfois justement d'identifier vraiment l'espèce ou même quasiment la race parce que les gens connaissaient effectivement parfaitement bien leur bête. Il faut rappeler que dans l'iconographie de la préhistoire, l'immense majorité des représentations sont des représentations des animaux. Oui. Et ça, c'est important parce que c'est ceux-là que l'on voit en premier, bien avant l'être humain. Tout à fait. Et avec des scènes, on a en Namibie où je travaille aussi des représentations, par exemple, de dessins d'abeilles avec de la collecte de miel, donc peints sur les parois. Donc on a des choses vraiment extrêmement extrêmement diversifiées. Et puis il y a aussi dans cette relation quelque chose qui nous intéresse par rapport à notre changement en tant qu'humain. La domestication a changé les hommes et les femmes. Alors ça, Joséphine Le Sûr, faut nous expliquer. La domestication a transformé, ne serait-ce que nos corps, nos manières d'être. Oui, elle a transformé, alors sans aller jusqu'à la surconsommation de viande ou de produits animaux qui sont un des facteurs d'obésité. Mais en fait, dès le début de la domestication, puisque en tant que mammifère, comme la plupart des mammifères, dès que nous sommes sevrés, nous ne digérons plus le lait. Nous n'avons plus l'enzyme qui permet la digestion du lait. Or, très rapidement, on voit que l'homme a exploité le lait des animaux. Alors, très rapidement, en le transformant, en faisant du fromage, en faisant des yaourts, qui fait que ça facilite la digestion du lait. Ça détruit le lactose et donc on peut le digérer plus facilement. Mais en revanche, assez rapidement aussi, les études génétiques maintenant ont montré que une partie de la population va conserver l'enzyme qui permet la digestion du lait, même à l'âge adulte. Donc là, on a vraiment une transformation biologique de l'homme qui s'est adaptée à la consommation de produits issus de l'élevage. Mais on l'a aussi dans les deux sens, puisque chez le chien, on a pas mal parlé du chien, qui s'est adapté, qui a très vite vécu avec les sociétés humaines qui étaient agriculteurs. Et on voit qu'avec, suite à cette fréquentation intense des agriculteurs, les chiens vont développer la capacité aussi à digérer l'amidon. Alors que ce sont des carnivores à la base. Mais en fait, ils vont développer cette capacité donc à digérer l'amidon, donc à manger des céréales, et donc finalement eux-mêmes à s'adapter à un régime omnivore comme celui des humains. Et on est devenu un peu plus petit aussi avec la domestication. On marchait moins, on avait une alimentation complètement différente. Ça a changé la morphologie même de l'humain. Pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Ça a changé, ça on a pu le montrer aussi sur les animaux, ça a changé un peu la morphologie, même la composition, l'histiologie, on va dire, osseuse. Et on a des études comme ça qui ont montré, notamment chez les équidés, que les os des membres pour des animaux qui avaient l'habitude de courir énormément va se transformer puisqu'ils sont en parquet et donc ils vont beaucoup moins bouger. Il y a des études aussi actuellement qui sont faites sur le sanglier et le porc. Comment ça va transformer vraiment le squelette, puisque entre des animaux qui courent beaucoup ou des animaux qui sont parqués, forcément ça a un impact sur le long terme sur leur constitution. Oui, et puis tout cela n'est qu'une question aussi de regard. Nous regardons ces évolutions de l'animal, qui passe de la gazelle à la chèvre, qui passe du loup au chien. Évolution du regard, parce que nous n'avons pas le même regard sur les animaux aujourd'hui qu'il y a un siècle, qu'il y a deux siècles, etc. Et puis, ce regard est toujours celui d'humain. Je vous propose d'écouter ce qu'écrit Randy Malumud, qui est professeur d'anglais à Atlanta et qui vient d'écrire, c'est en 2012, An Introduction to Animals in Visual Culture, c'est-à-dire comment on regarde l'animal. Et je vois que vous souriez, Émilie Dardenne, mais je rappelle que vous enseignez, vous êtes maîtresse de conférence en anglais. Vous dites, je vais lui donner des cours à lui. Mais je veux bien. Que comment on peut réfléchir au regard que nous portons sur l'animal? C'est Daniel Königsberg qui lit cet extrait. Inévitablement, ce sont les êtres humains qui possèdent et contrôlent ces images d'animaux. Il va sans dire que c'est nous qui faisons ces films et que c'est nous qui gagnons de l'argent en faisant ces films. C'est encore nous qui regardons ces films. Dans cette entreprise, quelle est la place de l'animal? Les animaux profitent-ils d'une quelconque manière de cette interaction, du regard humain? Le peuvent-ils? Le devraient-ils? Même si aucun animal n'a été maltraité durant ces tournages, est-ce vraiment ce qu'on peut attendre de mieux? Daniel Königsberg qui lisait un extrait de l'ouvrage de Randy Malamud, donc qui réfléchit à la place de l'animal dans notre culture visuelle. Émilie Dardenne, il y a tout un pan des recherches animales qui passe par ce regard. C'est en fait toute une question de positionnement. Où sommes-nous par rapport à l'objet que nous étudions? En l'occurrence, pour les études animales, ce sont les animaux. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que la culture visuelle autour des animaux, elle s'est beaucoup développée justement en réaction à l'invisibilisation des animaux dans le quotidien. C'est-à-dire qu'on connaît davantage les animaux par l'iconographie. Il y en a une foison, par exemple, dans la littérature jeunesse, Babar, etc. Et on les connaît mieux comme ça. Qu'en réalité. Donc c'est ça que souligne Randy Malamud et qu'ont souligné d'autres de ses collègues. Coluche, hein, le premier, avec le poisson qui est carré, c'est le poisson pané que les enfants ne connaissent plus. Donc ça renvoie à l'invisibilisation des animaux, l'occultation des animaux dans le quotidien. On en revient à l'idée de la post-domesticité, l'intensification de l'élevage. On ne croise plus les animaux, même dans des régions où on sait qu'il y en a beaucoup qui sont élevés, on ne les voit plus parce qu'ils sont enfermés dans les élevages et ensuite ils sont enfermés dans les abattoirs. On les voit éventuellement entre les deux dans des camions. Et ça, ce processus d'invisibilisation, il est éminemment important dans les études animales. Je peux citer peut-être deux exemples dans deux disciplines différentes. Un travail en anthropologie par l'anthropologue Noélie Vial en 1995, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le sang et la chair et qui est une étude des abattoirs. Et elle dit qu'on ne veut rien savoir de la mise à mort, on ne veut rien savoir, et elle se passe derrière de hauts murs. À la rigueur, et ça c'est ce qu'ajoute Florence Burga, donc côté de la philosophie, l'animal n'a jamais existé dans le processus qui le transforme en viande. Et le paradoxe, le pendant de cela, c'est que dans l'iconographie, dans la fiction, à partir du XVIIIe siècle, on a des biographies animales et même des autobiographies animales, notamment sous la plume d'écrivaines, la comtesse de Ségur, Sarah Tremer et ses histoires fabuleuses. La sensibilisation au sort des animaux, elle se déplace du terrain pratique à un terrain plus symbolique et culturel. Et de temps en temps, l'animal vient percuter notre réalité. Émilie Dardenne, dans votre introduction aux études animales publiée aux presses universitaires de France, l'ouvrage commence ainsi. Bam, le jour où la rédaction de cet ouvrage a commencé, un pigeon est venu violemment percuter une vitre de la maison. Quelqu'un s'est exclamé qu'il est bête, ce pigeon. Et vous développez, non, il n'est pas bête. Et vous rappelez que connaître l'animal explique ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Il s'est passé que le pigeon, il n'a pas reconnu que le ciel qu'il a vu sur la vitre, ce n'était pas vraiment le ciel, c'était une vitre. Donc il est venu se cogner violemment contre cette vitre parce qu'il n'a pas la même vision que nous. Voilà, vous expliquez ce large champ de vision qui modifie complètement ce rapport. Et c'est intéressant de commencer par ce pigeon parce que, je l'évoquais en début d'émission, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos grandes villes, nous croisons peu d'animaux, sauf des rats à Paris et des pigeons. Vous, Joséphine Le Sur, en étudiant cette ménagerie dans tout ce que vous avez pu fouiller en Afrique, vous constatez qu'il y avait une pluralité d'animaux. C'est aussi quelque chose qui peut nous interpeller. Les humains du passé fréquentaient beaucoup d'animaux différents. Oui, d'abord parce qu'ils vivaient dans des environnements qui étaient beaucoup moins anthropisés, donc ils étaient beaucoup plus au sein de la nature. Et même s'il y avait de l'élevage, il y avait toujours un attrait pour la chasse, pour la pêche, pour ces animaux-là. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que dans des sociétés vraiment parfois d'éleveurs-agriculteurs, on va utiliser les animaux sauvages uniquement pour des pratiques, on va dire, rituelles ou dans des cas très particuliers. Donc on a encore une fascination vis-à-vis de ce monde sauvage qui va rester. Et jusqu'au 19e siècle, enfin jusqu'à très récemment, on voit ces animaux sauvages comme un symbole de la nature d'une manière générale. Donc on va s'en servir. Et les animaux domestiques vont servir un peu de lien entre vraiment la société des hommes et ce monde sauvage. Et entre les deux, on va avoir les animaux domestiques. Voilà. Donc on a une gradation un peu, mais les animaux sauvages restent très importants et très valorisés. Cette phrase attribuée à Clémenceau, hein, les gens aiment avoir un chat dans leur salon, c'est pour pouvoir avoir l'impression de caresser un tigre. Caresser un tigre dans son salon. Joséphine Le Sûr et La Gazelle de Vinchèvre, c'est le titre de votre ouvrage, La Gazelle de Vinchèvre ? Non, bien sûr. La Gazelle est restée gazelle, mais au lieu d'exploiter beaucoup les gazelles, on a exploité beaucoup les chèvres. Voilà, donc c'était la chèvre sauvage qui venait du Proche-Orient, elle qui n'a pas été domestiquée en Afrique, mais qui vient du Proche-Orient. Ben merci vivement de nous avoir parlé de cette domestication des animaux et surtout de la relation que nous entretenons avec eux. Et merci aussi à vous, Émilie Dardenne. Je rappelle le titre de votre livre, Introduction aux études animales. C'est aux presses universitaires de France. Merci beaucoup. Merci. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, la révolution du tourisme et le voyage immobile. À tous ceux qui font des rêves d'aéroport, le quotidien Le Monde nous signale que, prenant acte de la restriction drastique des voyages inutiles, la compagnie aérienne australienne Qantas propose des billets d'avion sans destination, ou plutôt avec une destination identique à l'aller et au retour, un tour en avion au sens propre. Vous partez de Sydney et quelques heures plus tard, vous atterrissez, toujours à Sydney, pour retrouver le précieux sentiment de voyager, même sur place. Avec la pandémie de Covid-19, l'historien Sylvain Venner observe, à juste titre, dans le magazine L'Histoire, que le monde semble s'être immobilisé, à croire que l'on aurait été rattrapé par le col pour revenir au temps où le tourisme n'existait pas encore. Alors qu'on inventait le voyage d'agrément au XIXe siècle, ce ne sont pas les maladies exotiques qui effrayaient, mais plutôt les accidents ferroviaires, les explosions de chaudières à vapeur et les traversées de tunnels précaires. Dès le XVIIe siècle, le voyage est devenu vital, surtout pour ceux qui pouvaient se le permettre et qui souffraient d'une fâcheuse maladie dont on ne s'est pas du tout débarrassé depuis, l'ennui. Le spectacle du monde offrait le seul remède connu à la mélancolie, une prescription onéreuse, parfois périlleuse et pas du tout remboursée. Le voyage, c'était la santé, se mouvoir sur la planète offrait la garantie d'un corps sain, édifié grâce aux épreuves du simple déplacement avant les autoroutes et les TGV, et deux siècles plus tard, même pour ceux qui ne disposaient que de leur dimanche pour leurs loisirs. Parce que le grand ennemi sanitaire, c'était l'environnement quotidien, l'air vicié des villes et l'entassement des citadins. Bref, il fallait changer d'air, et pas seulement parce que Pasteur venait de découvrir que l'altitude tuait les microbes. Rapidement, la nécessité se fit plaisir, même à l'occasion d'un pèlerinage, on pouvait se permettre quelques visites de sites remarquables, l'église elle-même le concédait. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan-American. J'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus, j'sais plus Avec sa démocratisation progressive, l'explosion du tourisme chiffonne cependant quelques esprits chagrins. Les foules venaient polluer la vue et les élites sociales regrettaient le temps pionnier où il n'y avait qu'elles dans ce paysage désormais embouteillé. Les vacances étaient gâchées. Le voyage, c'était bien, mais sans le peuple. À partir de 1907, le Touring Club de France met en garde contre ce vandalisme. On invente alors les parcs naturels pour conserver cette nature en péril sous le piétinement des badauds insouciants, et le camping de loisirs, pas du tout par souci d'économie, mais pour chercher la tranquillité loin des foules. Toujours le flair et l'esprit pionnier de ceux qui voulaient avoir l'impression d'être les premiers, voire les seuls en toute chose. Vous l'aurez compris, ce discours n'a pas changé depuis et s'est même renforcé avec le développement du tourisme de masse au XXe siècle. Ma Sophie à moi, a pris une compagnie qui volait sur des tapis de Turquie, c'est plus parti. Et moi, à propos et moi. Je suis rendu ado de chameau. Ado de chameau, en avion ou en voiture, les voyages et surtout les mauvais voyageurs, 25 millions en 1950, 1 milliard et demi en 2019, détruisent la planète par leur enthousiasme touristique. C'est alors que vint la solution, perfide mais efficace, la honte. Avec l'invention du Flixcam, la honte de l'avion, apparue en Suède en 2018, les voyageurs sont désormais sommés de cesser de zébrer le ciel de leur empreinte carbonée. Une honte de l'avion qui s'accommode assez mal des vols sans destination proposés en Australie. Reste à inventer le voyage du monde d'après qui se fait attendre, un voyage où la lutte des classes ferait relâche, histoire de faire des vacances à tout le monde et pas seulement à ceux qui en ont les moyens. Exactement, on retrouve le journal de l'histoire et les liens utiles sur notre site internet franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig et préparée par Anne Tostienvudès, Marion Dupont, Odile Jouessel, une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Toutes nos émissions sur les animaux et nous, histoire d'une relation, sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, que c'est triste Venise, autant des amours mortes, que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus, demain nous partons à Venise et ce sera très beau.